Après t'avoir donné 6 conseils pour prendre confiance en toi, je vais maintenant approfondir le point crucial, celui qui te semble totalement insurmontable et qui permettra d'atteindre la confiance sexuelle. Je te parle de vaincre tes complexes. Une fois de plus, je te vois pas lire. Et pourtant, bien d'autres ont réussi à faire une force de ce qu'ils étaient à l'origine considérés comme une faiblesse. Il est d'ailleurs rarissime de rencontrer quelqu'un qui est satisfait de ce que la nature lui a donné. Ce n'est pas pour rien que la chirurgie esthétique est tendance. Je te déconseille tout de même d'en arriver là, car comme le faisait remarquer une pub pour un site de rencontre, c'est bien les imperfections qui nous rendent intéressants. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas plus ennuyeux que la normalité. Imagine un monde rempli de Barbie et de son Ken chéri. Burk. Pour commencer, tu vas faire la paix avec tes démons intérieurs, en acceptant tes défauts, car plus tu chercheras à maquiller ce que tu es, plus tes rapports avec les hommes seront compliqués. Surtout qu'il y a de fortes probabilités que cet aspect de toi que tu détestes le plus soit justement celui qui te donne une sacrée plus-value. Je te rappelle encore une fois que tu dois t'aimer tout entière. De plus, il est totalement dérisoire de vouloir coller aux critères de beauté photoshopés des magazines. Je trouve amusant d'écouter les lamentations autour de moi. L'une se trouve trop grosse, l'autre trop maigre, la prochaine déteste ses petits seins, alors que la suivante souffre de son tour de poitrine généreux. Les cheveux lisses rêvent de friser et les frisés passent un temps fou à se lisser. Alors qu'il serait tellement plus simple et moins fatigant de cultiver et valoriser ces différences. D'ailleurs, les pseudo-normes évoluent au fil du temps et varient d'une culture à l'autre, sans oublier que tu es tributaire de tes gènes. Il est donc inutile lorsque tu es issu d'une lignée où les femmes ne dépassent pas le 1m10 les bras levés, de culpabiliser de ne pas avoir des jambes interminables comme Adriana. Tout comme il est risible de focaliser sur des hanches trop larges, là où certaines femmes sont devenues mannequins avec un handicap. De toute manière, tu as beau combattre, il est impossible de te défaire de ton patrimoine génétique. Je te suggère donc d'être fier de tes origines. Il suffit de te dire que tu es la version améliorée de tes ancêtres. Surtout, n'oublie jamais que tu es un modèle unique. Ton corps, ta personnalité sauront faire la différence au moment de conclure. Sans oublier qu'en matière de séduction, c'est l'alchimie qui opère. C'est pourquoi, afin d'être bien dans ton corps, il te faut composer avec ce que tu as, en adaptant les vêtements à ta morphologie. De plus, ça serait vraiment con de s'efforcer à faire un régime draconien pour finalement rencontrer un mec qui finit par t'avouer qu'il préfère les rondes. Peut-être que cela va te surprendre, mais certains hommes adorent tripoter des bourrelets. Il y en a même qui trouvent les vergetures sexy, tout comme d'autres adorent les androgynes. Par ailleurs, les têtes de mules sont prisées au même titre que les douces demoiselles. C'est pourquoi les traits de caractère qui font le désespoir de tes parents trouveront certainement preneur. Sache aussi que tu n'as pas non plus besoin d'un QI d'Einstein pour séduire l'homme de ta vie. Tu as d'ailleurs certainement déjà croisé des couples qui te semblaient mal assortis par leurs différences d'âge, de physique ou d'origine. Et malgré cela, leur amour se reflétait dans leurs yeux. Ne sois pas dépité. Toi aussi, tu as droit au bonheur. Alors ose te débarrasser de tes complexes, n'aie plus honte de toi, de ce que tu aimes, que ce soit en matière de nourriture, de culture et bien sûr de sexe. Brise tes chaînes et envole-toi. C'était Evan Matisse et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.